Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien voilà, je vais poursuivre la petite histoire de ma vie pour vous raconter mon voyage autour de la mer Baltique en 1969. Pour rejoindre cette mer Baltique, eh bien, et plus particulièrement le Danemark, je suis parti en stop de Gare au Nord. Gare au Nord, c'était un grand centre de triage au nord de Paris. Et j'ai pris là un camion qui m'a permis de traverser en stop l'Allemagne pour rejoindre Copenhague et plus particulièrement Tivoli. J'avais appris à l'époque que les Danois s'amusaient bien. Ils avaient un grand parc d'attractions qui s'appelait Tivoli, dans lequel il y avait plein de filles. Et c'était là où j'ai atterri tout à fait incidemment. Tivoli, ça c'était ma première nuit au Danemark. La seconde, était destinée à être beaucoup plus studieuse et à faire de l'argent. Alors je m'explique. Vous vous souvenez peut-être que lors de mon voyage aux États-Unis, j'avais rencontré à Greenwich Village des gens qui faisaient de la peinture à base de force centrifuge. En un mot, un moteur électrique. Sur l'axe de ce moteur électrique, on met un support en bois de préférence que l'on fixe. Sur ce support, on met un papier quelconque et on verse de la peinture. On fait tourner le moteur, on verse de la peinture et la peinture va éclater autour de cette toile. Pour ma part, j'ai eu l'idée de prendre les radios de mon père. Alors, je m'explique. Les radios de mon père était radiologue, était même pneumophysiologue et faisait des radiographies de ses clients malades. Et puis, ces radiographies, il les classait par ordre alphabétique et pour que les malades viennent les chercher. Bon nombre d'entre eux ne venaient jamais les chercher, ce qui fait que mon père se retrouvait avec un stock astronomique de radio et il m'en a donné, peut-être 50, peut-être 100, je me souviens plus, mais il y en avait un grand paquet. Et il m'a dit que je pouvais aller à la cave, la cave où il stockait son vin, faire mes peintures. Et là, donc, j'installe mon moteur, sur son axe, je mets des plans, une petite planchette, et sur la planchette, je mets les radios que je fixe avec des punaises ou je ne sais quoi. Et là, le moteur se met à tourner, et petit à petit, je verse sur ces radios, je verse de la peinture que j'avais mis au préalable dans des espèces de, vous savez, les bouteilles de ketchup là que je renversais, qui étaient pleines de peinture, que je renversais, etc. Alors, de la peinture, il y en avait partout. Toutes les bonnes bouteilles de mon père se sont retrouvées peintes. Là, je me suis fait engueuler, mais bon, peu importe. J'avais mes radios peintes et j'avais matière à faire des transactions au Danemark. Alors, ces radios, j'étais dans un endroit extrêmement bien connu des Danois et des Danoises. C'était la Petite Sirène à Copenhague. Et là, autour de la Petite Sirène, il y avait de l'herbe, du gazon bien fait, et j'y ai mis mes toiles, etc. Les gens se sont quand même très intéressés à ça. Ça avait vraiment de la tête, on aurait dit des grands yeux, jaunes, verts, bleus, etc., irisés et tout. C'était vraiment bien. Et donc, j'en ai mis quelques-unes comme ça sur l'herbe, et puis je vendais bien, je ne sais plus combien je vendais, mais je sais qu'à la fin de mai, ça m'a permis de payer ces ventes, m'ont permis de payer tout mon voyage autour du Danemark, et même autour de la Baltique, et ça, je vais vous raconter ça. Et ça m'a même laissé quelques sous à la rentrée en France pour m'acheter un très beau poste de radio Transworld. Donc voilà mes radios au soleil sur la pelouse à côté de la petite sirène, et voilà Tipa que le soleil commence à donner dessus, que les radios commencent à gondoler. Alors ça, j'ai commencé à faire la gueule parce que ça marchait pas. Les radios gondolées, ça n'avait plus le même effet. Et donc j'ai tout remballé pour remettre ça un jour où il y aurait un petit peu moins de soleil. Voilà, donc ça c'était Copenhague, sympa Copenhague, petite ville, petit port, petit, voilà, tout, c'était vraiment bien. De Copenhague, je suis passé à Malmö, en ferry. Donc Copenhague-Malmö, le Danemark, je quittais le Danemark pour rentrer en Suède, en ferry. Traversée de la Suède, ensuite pour rejoindre Stockholm, Malmö au bord de la Baltique, pour rejoindre Stockholm, autre ville au bord de la Baltique. Je n'ai pas souvenance qu'il se soit passé des choses formidables, si. La seule chose qui m'a dont je me souviens, c'est que le 21 juillet 1969, les Américains ont marché sur la Lune. Voilà, Armstrong et compagnie qui ramassaient des cailloux de Lune. Voilà, ensuite, à cette époque-là, je couchais en auberge de jeunesse. Et puis, je continuais à vendre mes radios pour financer mon voyage. J'ai pas de grands souvenirs de la Suède, bon, à part beaucoup de belles forêts, de grands arbres, mais sinon pas grand-chose d'autre. J'y ai bien vendu mes radios quand même, et mes tableaux, c'était bien, ça continuait de financer mon voyage. Ensuite, Stockholm. J'ai quitté Stockholm pour rejoindre Helsinki. Helsinki, c'est la capitale de la Finlande. Cette jonction se faisait en ferry, avec une nuit de ferry. Arrivé en Finlande, la ville était quand même un peu triste. On sentait les gens assez riches, mais dans une ville un peu triste, très calme, pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de... Voilà, bon, pour économiser, moi je couchais sur le palier des appartements du 16e arrondissement d'Helsinki, entre guillemets, et là je repérais les appartements qui n'étaient pas occupés, où les gens étaient en vacances, et puis je m'installais sur le palier, puis là je dormais bien, je passais des bonnes nuits, et je n'étais pas gêné, voilà, dont je me souviens. Après, que dire ah oui, à Helsinki, j'ai rencontré un Suisse allemand, un type assez étonnant. Pendant que je vendais moi mes tableaux de radiographie de mon père, je faisais des portraits de Che Guevara à la minute. Je m'explique, alors vous voyez, imaginez un gars habillé, petit costume, cacharelle, très bien sur lui, qui voyageait, non pas en stop comme moi, mais qui avait le chex en poche. Le chex, c'était les horaires des trains internationaux de toutes sortes, et lui, il voyageait en train dans les wagons à bestiaux. Et il était toujours avec son petit, son petit costume et son béret Che Guevara, un peu la barbe comme lui, pas très grand, mais un gentil garçon. Un gentil garçon avec qui j'ai bien sympathisé et avec qui j'ai fait un bout de route, avec qui j'ai fait un bout de route, mais là, je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Donc, j'ai quitté Helsinki, où, comme je le disais, c'est une ville un peu endormie. pour rejoindre le nord de la Finlande. Alors, au-dessus d'Helsinki, il y a la région des Grands Lacs. Et moi, je voyageais en stop, et tandis que mon copain suisse-allemand, lui, voyageait en train, et on s'était donné rendez-vous tel jour, telle heure, à la gare de Rovaniemi, mais ça, au nord de la Finlande, près du Cap Nord, et je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Donc, me voilà parti à faire mon stop. Alors, les routes, il n'y en avait pas, il y avait des grands chemins, pas goudronnés. Bah, il faut dire que l'hiver là-bas, le goudron, bah, ça foutait en l'air les revêtements des routes. Et moi, bah, j'étais sur le bord de la route. Alors j'avais un grand sac de marin à l'époque et je faisais du stop. Alors il se passait une voiture toutes les heures, quoi, parce que c'était des axes qui étaient peu fréquentés. Et puis qu'est-ce que je vois arriver dans une petite Austin, une fille au volant de sa voiture. Une jolie fille qui avait sa voiture remplie de boîtes de chaussures, remplie au ras-bord. Alors, elle me dit de l'attendre et qu'elle repassait d'ici une heure. Bon, alors effectivement, comme il passait 3 voitures par jour, je ne peux que l'attendre. Et nous voilà repartis avec elle. Elle m'a emmené chez ses parents qui n'étaient pas là, qui étaient en vacances. On a passé plein de bon temps. Et c'est là où j'ai appris, puisque la maison était au bord d'un lac, j'ai appris le sauna. Ça, c'était bien, parce que grande chaleur, bain très frais dans un lac, c'était une belle expérience et j'ai gardé un très bon souvenir de ce sauna. Maintenant, je ne pourrais plus le faire parce que j'ai des problèmes de cœur, mais c'était très bien. Et après un week-end passé avec elle, j'ai continué mon voyage vers le nord, je quittais les grands lacs pour le grand lac, bon, c'était des petits lacs, mais bon, il y en avait tout plein, il y en avait plusieurs centaines, et pour rejoindre la piste et entamer une lecture. Je me suis mis à lire Jean-Paul Sartre, je m'en souvenais parce que c'était ma période de Jean-Paul Sartre. Assis au bord de la route, assis sur mon sac de marin, attendant d'hypothétiques voitures, j'entends dans une roulotte qui était sur un terrain à côté de l'endroit où j'étais à faire du stop, et j'entends « branle, branle Charlotte, branle, branle Charlotte ». Je me dis « attends, c'est quoi cette histoire ?» En pleine Finlande, d'une femme qui chantait cette chanson un peu porno, et alors du coup je prends mon sac, je vais frapper à sa porte et je tombe sur une énorme bonne femme qui était dans sa roulotte, qui pouvait à peine en sortir tellement elle était grosse, et elle était sur son fourneau avec un grand récipient. Elle faisait une grande soupe et puis elle était avec une grande cuillère et elle tournait sa cuillère dans son grand faitout et elle chantait « branle, branle Charlotte ». Bon, voilà la petite histoire. C'était une femme de marin. Elle chantait les chansons que son mari lui avait apprises tandis qu'il revenait de campagne de pêche. Voilà, le voyage se poursuit, j'arrive à Rovaniemi. Alors Rovaniemi, c'était la ville la plus au nord de la Finlande. Quand je dis la ville, ouais, un super grand village, mais on était à moins de 200 km du Cap Nord. Et là, au jour J, comme prévu, je retrouve mon Suisse-Allemand, dans un bistrot en train de manger du ketchup et on s'asseyait aux tables et on dévalisait tout ce qu'il y avait sur la table avant de commander, comme ça nous faisait un petit peu de calories pas cher. Donc, j'arrivais un petit peu en retard et lui avait commencé à explorer un endroit pour coucher dans la ville. Alors, sur la ville, il y avait sur le grand axe de la ville, il y avait une épicerie désaffectée. Et il me dit, voilà, ça c'est bien, quoi. Alors, cette épicerie, elle faisait un angle de rue et avec des grandes baies vitrées, et on pouvait rentrer là-dedans, s'installer, il n'y avait personne, c'était complètement désaffecté. Donc, on commence à passer notre première nuit. Alors là-bas, il faut savoir qu'on était, je ne sais plus, au mois de juillet, au mois d'août, j'ai un peu oublié, et là, c'était le soleil de minuit, ce qui fait que la nuit, il ne faisait pas noir, et il faisait nuit, et il faisait jour. Bon, alors on s'endort, on commence à s'allonger, à s'endormir, et puis on entend bouger au-dessus de chez nous, de notre épicerie. Alors, ça bouge, on sentait des talons de femmes. Alors on commence à faire des bruits et des onomatopées pensant bien que la fille, on allait pouvoir la draguer. Donc, on commence à lui parler. Le plafond et son plancher ne devaient pas être très épais, elle nous entendait. Et puis elle arrête de faire du bruit. Et puis nous, on commence à lui parler, etc., à être gentil avec elle. Mais elle devait être tétanisée. À un moment donné, on l'entend descendre l'escalier, bzoup, à toute vitesse pour aller dehors. Elle avait pris peur, quoi. On lui avait fait peur, et elle va dehors. Bon, pas grave. Nous, on continue notre nuit. Et puis, petit à petit, on voit autour, on était donc dans cette épicerie avec des grandes baies vitrées, et autour de ces baies vitrées, de l'autre côté, sur la rue, on voit des jeunes apparaître, 1, 2, 3, 4, nous faisant signe qu'il fallait qu'on quitte l'épicerie, qu'on n'avait pas à être là, etc. Nous, on leur fait des bras d'honneur, hein. Il était tard. Et on n'avait pas du tout l'intention de chercher autre chose pour coucher. Et puis du monde arrive, commence à nous dire Polizei. On a appelé la police. Alors la police, elle devait venir de, je sais pas, il y avait 150 ou 200 kilomètres du bled précédent, Rovaniemi. Et on s'est dit, les flics qui viendront jamais faire 200 km à 1h du matin, etc., etc. Et puis, gros attroupement, on commence un peu à s'inquiéter. Et puis, on entend les flics arriver, ils rentrent dans l'épicerie. Nous, on était dans nos sacs de couchage. Ils nous tirent dans nos sacs de couchage jusque dehors sur le béton. Et puis là, on commence à se faire injurier par tous les jeunes de Rovaniemi. Et on se fait expulser de l'épicerie. Et rendez-vous nous est donné le lendemain matin pour être expulsé de Finlande. Bon, alors la nuit, je ne sais plus bien où on l'a passé. Ce que je sais, c'est que les flics de Finlande nous ont reconduit à la frontière norvégienne, du côté d'Hammerfest, et un peu manu militari. À cette époque-là, je voyageais avec mon sac, dans lequel j'avais un sac de marin, un sac rond là, dans lequel j'avais ma tente, et dans lequel j'avais une peau de renne. Voilà, donc c'était assez volumineux, et quant à mon collègue suisse-allemand, lui, toujours très propre sur lui, dans son petit complet costume croisé cacharel, lui, il avait la petite valise avec 2-3 trucs dedans. Nous voilà donc expulsés vers la Norvège, à Hammerfest. Alors Hammerfest, c'est, je pense, la ville la plus au nord de la Norvège, ou très au nord, il y a peut-être plus au nord. Et cette ville est un grand port de bateaux de pêche. Et ce port de bateaux de pêche accueillait les usines Findus. Vous savez, le poisson surgelé. Et ben, le poisson surgelé, il venait de là. Et les poissons étaient débarqués, rejoignaient l'usine Findus et étaient mis en boîte ou en carton à cet endroit-là. Alors, les usines, dans le temps, là-haut, eh bien, c'était les filles hein, qui travaillaient aux usines. Et bon, alors on a commencé à sympathiser avec elles, à faire différentes choses. Et puis un beau jour, il y a une fille qui nous a dit « Ben, venez, on va vous faire visiter l'abri anti-atomique. » Bon. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il faut savoir que les Norvégiens avaient peur de... Il y avait eu Cuba, il y avait eu avec Kennedy, etc., peur des guerres atomiques, et donc ils se faisaient faire des abris anti-atomiques. Donc nous avons été passés avec deux, trois filles, une nuit dans les abris anti-atomiques d'Hammerfest. C'était bien fait, hein, des grands blocos enterrés, et avec des vivres, avec des couchettes, etc., etc. Donc, voilà, j'ai vécu en 1969 ma première visite dans un abri anti-atomique. Après, on a passé encore un jour ou deux. Je me souviens que mon... Ah ouais, c'était marrant, ça. Je me souviens que mon Suisse-Allemand avait un peu mal à la gorge. Et moi, mon père m'avait donné différents médicaments, etc. Et j'avais des choses, si j'avais des petits maux de gorge, des petites grippettes, ou des petits trucs comme ça, j'avais des suppositoires. Alors, je lui ai donné un suppositoire pour qu'il soigne son mot de gorge. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu. Bon, il s'était absenté, il est revenu, il m'a fait, voilà, j'ai mangé le suppositoire. T'as mangé le suppositoire? Ouais, c'était assez dégueulasse, etc. Bon, voilà, il savait pas ce que c'était, suisse-allemand, il savait pas ce que c'était qu'un suppositoire. Bon. Voilà pour les anecdotes. Et puis après, nous avons décidé d'aller faire un tour chez les lapons. Alors, les lapons, c'est des nomades, souvent dresseurs de rennes, éleveurs de rennes, on a été passer une semaine chez eux. Alors pour aller chez eux, d'abord, ça se fait pas comme ça, on s'était renseigné. Eux, ils habitaient en pleine cambrousse. Quand on dit cambrousse, là-haut, c'est la toundra. La toundra, c'est une sorte de... Imaginez que vous marchez dans de l'herbe sèche, ou de l'herbe séchée, mais toute humide. Vous enfoncez, chaque pas, vous enfoncez de 15 ou 20 cm dans l'eau. Ce qui fait qu'il faut y aller avec des bottes. Vous y allez avec des bottes, votre sac à dos et tout le bazar. Parce qu'il faut emmener la tente, il faut bien coucher quelque part, etc. Vous marchez avec les bottes, vous soulevez le pied, la botte reste coincée dans cette herbe toute humide, etc. Quoi. Donc un périple, on a mis X jours avant de retrouver des lapons. On a traversé un torrent, on s'est mis en slip, ça je m'en souviens, en slip dans le torrent. Et ce faisant, il fallait savoir que toute cette humidité engendrait des tas de moustiques, etc., etc. Et donc, on se retrouvait le corps piqué de moustiques pour se protéger le visage. Je me souviens, j'avais un bonnet à grosse maille, et je regardais devant moi à travers les mailles du bonnet que j'avais déplié sur mon visage, et pour éviter de me faire piquer. Bon, nous voilà à marcher comme ça pendant plusieurs jours, deux ou trois maxi, et puis fatigué, épuisé, on commence à planter la tente. On plante la tente, et puis épuisé d'avoir marché comme ça dans des conditions extrêmement pénibles, on s'endort tout de suite, et puis on se réveille. On avait dormi, on a fait notre compte, on avait dormi 24 heures d'affilée tellement on était vanné. Et après avoir dormi 24 heures d'affilée, on se réveille, la tente commence à bouger de partout. On était dans l'eau, bah ouais, on avait planté la tente sur ces espèces de toundra toutes mouillées, etc. Et puis la tente commençait à bouger, puis on était tiré de droite, de gauche, etc. On commence à sortir de la tente, et qu'est-ce qui se passait? Il y avait deux rennes, hein, je parle des animaux, deux rennes qui avaient pris leurs cornes dans les cordages de la tente qui nous tiraient, qui voulaient se départir de ce poids. Et puis nous, on était tirés, ça arrachait tout, etc. Bon, un trafic pas possible. Donc on sort de là, tout mouillé, bon, l'horreur. Et puis, ben, on a rencontré les lapons qui étaient là à garder leur reine, hein, et qui avait fait une sorte de ranch à rennes, et avec des planches de bois, les rennes étaient parquées là, à côté. Les rennes quand c'était pris, bon, bah, c'était des rennes qui étaient un petit peu sauvages, quoi. Et puis là, on a passé 3 jours ou 4 jours avec ces lapons à vivre dans leur sorte d'une grande tente, un peu comme les tentes indiennes. Et on est resté avec eux là pendant plusieurs jours. C'était sympa. Ils faisaient cuire, ils pêchaient des poissons parce qu'il y avait des rivières assez poissonneuses. Ils pêchaient du saumon. Et ils faisaient fumer leur saumon. Ils fumaient les rennes. Ils mangeaient leur renne, hein, parce que c'était de la viande, de la belle viande. On a mangé du renne. C'était, ouais, super bien, quoi. Super bien. Et puis bon, on se comprenait pas parce qu'ils parlaient lapon. Nous, bon, hein. Et on ne se comprenait pas, mais on se retrouvait bien. Et puis, ils étaient petits, je me souviens, ils étaient petits, et ils avaient des fesses très larges, ils n'étaient pas très beaux, mais bien habillés dans des tons bleus, rouges, etc. C'est des jolis costumes, des jolis costumes. Voilà, mon voyage chez les lapons, c'était sympa. C'était sympa. Après, nous avons quitté Hammerfest. On a quitté Hammerfest par bateau. Et la Hammerfest, nous avons fait Hammerfest-Bergen. Bergen, c'était le sud de la Norvège. En bateau-poste. C'est-à-dire que le bateau allait distribuer le courrier de fjord en fjord. Sur ces fjords, eh bien, les Norvégiens faisaient sécher les saumons. Vous sortiez du bateau, il y avait des débarcadères en bois à n'en plus finir, qui étaient bordés de saumons qui séchaient. Voilà, c'était un très beau voyage, parce que rentrer dans ces fjords en bateau, c'était magnifique, magnifique, magnifique. Toujours pour pas dépenser trop d'argent, eh bien, on se nourrissait, je m'en souviens, à travers un distributeur de tablettes de chocolat. Alors, il y avait à bord du bateau, on pouvait déjeuner, on pouvait dîner, on pouvait même avoir des couchettes. Nous, on n'avait pas de couchettes parce qu'on voulait pas dépenser trop d'argent, donc on dormait dans les salons du... C'était un grand ferry, quoi. On dormait dans les salons de ce bateau. Et puis, pour se nourrir, eh bien, on avait pris le coup pour vider le distributeur de tablettes de chocolat. Voilà. Voilà comment on se nourrissait à bord. Tout en continuant à vendre toujours mes radios. Vous savez, mes radios peintes, là. Et je continuais à vendre les dernières, là. Ensuite, nous sommes arrivés à Bergen. Bergen, un très beau musée. Un musée où il y avait un drakkar viking et où il y avait le Kon-Tiki. Le Kon-Tiki, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le radeau de Thor Heyerdahl qui voulait démontrer que les humains voyageaient d'île en île et de continent en continent avant même que leur civilisation soit bien installée. Voilà, le Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, ça m'a frappé. Bergen, j'ai quitté cette jolie petite ville pour rejoindre Édimbourg en Écosse, donc Norvège-Écosse. toujours en ferry. Ensuite, j'étais Édimbourg, je suis arrivé à Londres. Londres, j'ai pris le train pour aller à New Haven. Et ce train est monté sur un bateau pour faire New Haven-Paris. Voilà. Et donc, retrouvé Bonport à Paris, gare Saint-Lazare. Et puis là, il m'est arrivé une petite aventure. Je voulais téléphoner à une copine et j'ai posé mon sac, mon grand sac dans lequel j'avais ma tante et ma peau de renne. La peau de renne était sur le sac. Et puis pendant que je téléphonais, je me suis fait faucher ma peau de renne. Voilà, donc plutôt j'avais deux peaux de renne. Donc on m'en a piqué une et j'en ai gardé une que j'ai gardée toute une partie de ma jeune vie. Voilà mon voyage autour de la Baltique est terminé. C'était un bon moment et où j'ai passé du bon temps. Voilà. À un prochain voyage auquel je vous convie dans quelques temps.